أسرار السعادة ومفاتيح النجاح كلها كشفها لنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حالنا كقول المتنبي قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. قال المثل نتاعنا هو يعطيها في سياق آخر، ولكن نحن السعير هذا البيت كالعيس، هما الإبل الجمال، ذكر الجمال في الصحراء يقتلها الظما، يعني عطشان قريبة تموت من العطش، ولكن الماء فوق الظهر ديالها والماء فوق ظهورها محمول. فنحن والله ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا لنسعد، فالخير كله بين أيدينا، ولكن يكفي أن نفهم ونطبق. من يريد الله به خيرا نفقهه بالدين. دونك مي شيف خير مي شيخ سير، تو دابور j'exprime ma joie d'être présent une autre fois devant vous et ma reconnaissance envers les responsables de la mosquée pour cette invitation. Et je m'invite et je vous invite à orienter nos cœurs vers Allah subhanahu azza wa jal. Et je vous promets bi'idhnillah, si on oriente nos cœurs vers Allah azza wa jal, et si on met en pratique ce qu'on va entendre qui vient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est, ça peut changer notre vie vers le meilleur. Ça peut améliorer et épanouir notre vie. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ramené cette religion que pour notre propre épanouissement. Et un musulman qui vit et qui n'est pas épanoui et que sa relation s'améliore pas, qui vit des difficultés avec les gens, dans sa famille, c'est tout simplement, il lui manque quelque chose dans la compréhension de cette belle religion. J'ai donné ce vers poétique de Al-Mutanabbi, peut-être qui pour nous ça a un sens aujourd'hui. Il dit qu'al-'aysi fil bayda'i yaqtuluha adh-dhama, comme les chameaux en plein désert, et ces chameaux ils ont soif, ils vont périr de soif, mais l'eau dont ils ont besoin elle est juste au-dessus de leur dos. Ils portent l'eau sur leur dos, mais ils vont périr de soif. Ben nous aussi les musulmans aujourd'hui, on a dans l'enseignement prophétique tous les secrets du bonheur et de l'épanouissement et de la réussite. Il suffit juste de prendre un petit peu de recul et de comprendre et de mettre en pratique. Je commence par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim, rapporté par Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السر اللي جيت نحدثكم عليه اليوم من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول عجيب أمر المؤمن، يعني غير كن مؤمن وتهنى، صحح عقيدتك وقوي إيمانك وتهنى، فكل حاجة توقع في هذه الدنيا خير ليك. وقال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذه المزية، هذه السر من أسرار الله معطية فقط للمؤمن. كيف يا رسول الله؟ قال إن أصابته سراء شكر. إذن هذا المؤمن بين الشكر، من تلقى أمور بخير تفرحك فأنت كتقابلها بالشكر وهذا خير لك، وإن أصابته ضراء شي حاجة اللي تضرك أنت تصبر فهو خير لك. غنحاولوا في هذا السر من أسرار اللي كشف ليه النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا على الشكر باش نفهموا شنو هو الشكر وكيفاش. إذا فهمت أنا الشكر وطبقته في حياتي، حياتي إيماني يتبدل بإذن الله، علاقتي مع زوجتي مع والدي في الخدمة نتاعي كل شيء يتغير بهذا الحل، بهذا لا باقيت ماجيك اللي سميتها الشكر. ولكن خلونا نتفاهموا على واحد الحاجة، هل متفقين معايا باللي الناس كلهم كيشكروا الله عز وجل ولا لا؟ كم من مرة علمك النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الصلوات الخمس؟ حسبوا معايا، منين كتبغي تصلي كتقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، هي أجمل وأحسن صيغ الشكر هي الحمد، الحمد سبحانك اللهم وبحمدك، ياك بعد كتبدأ الحمد لله رب العالمين، حسبوا معايا مزيان، منين كترجع كتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن ربنا ولك، كتسجد سبحان ربي الأعلى وبي مرة أخرى سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة مرات، ثلاثة هي ستة، ستة زائد خمسة 11 على الأقل، 11 ضرب شحال نركع في النهار في 11 ولا شحال الصلوات المكتوبة شحال عندك؟ جوج ربعة ربعة ثلاثة ربعة، ربعة في ثلاثة 12 14 15 15 من ضربوها في 11 شحال؟ لما كتعرفوهاش علموها الوليدات اللي في المدرسة، المينتيبليكاسيون بار أون سهلة، كتهز واحد وخمسة وتقول خمسة زائد واحد استعملها في الوسط 165 فقط في الصلوات الفرضية، أنت كتوجه الله بالشكر 165 مرة، فهم معايا مزيان؟ غير المسلمين يشكروا الله ولا لا؟ كلهم يشكروا الله، ميرسي ديو الحمد لله، كلهم كل واحد بلغته. وكيفاش يا أخي الله عز وجل يقول ويا أختي، يقول وقليل من عبادي الشكور، الله عز وجل يقول لك الشكر قليل بزاف، اذا كاين شي سر اللي خصنا نفهمه، هذا اللي نحاولوا ان شاء الله نحاولوا نفهموه من خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دونك ce secret il est dans ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم، le hadith dans l'authentique de البخاري ومسلم rapporté par Sohaib ibn Sinan al-Khudri. Là, Sohaib ibn Sinan al-Rumi. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il est extraordinaire, impressionnant le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est bénéfique pour lui. Et cela est une exclusivité du croyant. Il ajoute le messager d'Allah. C'est un secret que pour toi. Comment ya Rasulallah? Il dit, quand lui arrive des choses agréables, il est dans la reconnaissance et c'est un bien pour lui. Et quand il est sujet des choses désagréables, il réagit avec sobre, et je ne vais pas le traduire par la patience, on va voir, parce que ça sera déformé, sobre, c'est pas, la patience c'est une forme de sobre, c'est une dimension de sobre. Mais il réagit avec ça et c'est toujours bien pour lui. Donc le messager d'Allah, il est en train de me dire, il est en train de te dire, travaille ta foi, corrige ta foi, augmente ta foi, comprends, et tu seras le plus heureux des êtres humains, le plus épanoui. Parce que tu sauras lire les messages qu'Allah Azza wa Jalla, il t'envoie. Quand tu reçois des choses agréables, tu es dans la reconnaissance. Tu dis « Alhamdulillah ». Et je viens de compter en arabe avec mon frère 165 fois que le musulman répète cette formule de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal que dans les prières obligatoires. C'est un vaccin de reconnaissance. Et en dehors, combien on fait de nawafil et toujours tu dis à un musulman, masha'Allah, comment ça va? Tu dis, alhamdulillah. C'est vrai ou pas? Mais comment vous comprenez qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous dit que c'est une denrée très très très rare. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Il nous dit que cette denrée, que la reconnaissance, elle est très rare parmi les humains. Ça veut dire que les formules de la reconnaissance, cette coquille de la reconnaissance, aussi important soit-il, elle est très importante. Walhamdulillah, tamla'ul mizan, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut comprendre le sens. Pour vivre dans la reconnaissance. Si je vis dans cette reconnaissance, certainement ma vie dans ma maison, avec ma femme, avec mes enfants, il va changer. À l'école, il va changer. Avec mes voisins, il va changer. À la mosquée, dans mon lieu de travail, il va s'améliorer certainement. Juste, il faut que je comprenne que ça veut dire la reconnaissance, être reconnaissant. Le messager d'Allah, il dit, il ne peut pas être reconnaissant envers Allah, celui qui ne l'est pas envers les humains. La yashkurullaha, même la yashkurunnas. Donc on a deux dimensions de reconnaissance, une verticale et l'autre. Sam'uni. Et l'autre, il est horizontal. Il te dit, si tu veux être reconnaissant envers Allah, tu es obligé de passer par la reconnaissance envers les gens, sinon tu peux pas. Donc on va, avant d'expliquer, de donner à la lumière du Coran et de la Sunna une explication de c'est quoi la reconnaissance, on va voir c'est quoi aussi l'importance. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. La foi pour un croyant, il est deux parties. La première partie c'est la reconnaissance et la deuxième c'est الصبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Donc quand je suis dans la reconnaissance, je vais parler des mérites de la reconnaissance, dans ce verset il dit si tu es dans la reconnaissance, tu vas préserver le bienfait qu'Allah il t'a donné, le bienfait, et tu vas l'amplifier. يعني بالشكر أنت تحصن النعمة وتقويها تزيد فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم إذا شكرت غادي يزيدك. هذا فضل. قل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تذهب النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقام. Donc la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, il dit c'est un gage de préserver ce qu'Allah il t'a donné. Si tu as quelque chose qui te réjouit, tu veux le garder, tu veux l'amplifier, il faut que tu sois reconnaissant. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il met en face de la reconnaissance al-kufr. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Et le kufr ici, c'est pas la mécréance, c'est l'ingratitude. Et c'est tout un symbole aussi. Ça veut dire si t'es pas dans la reconnaissance, t'es dans le kufr. L'ingratitude est une forme de mécréance, wal iyadu billah. Allah Azza wa Jalla aussi dans le verset, il met al-shukr et le kufr dans le même verset. Il dit que l'être humain, il a deux directions. Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Donc dans les mérites, et c'est la clarté sur ce mot de la reconnaissance, on va s'arrêter. Sinon, on peut faire toute une conférence que de parler dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a de reconnaissance. Fadhkuruni adhkurkum. Zid, washkuruli, wala takfurun. Toujours, la reconnaissance est à côté, elle parle de kufr, l'ingratitude ici. Donc, on est d'accord que c'est une denrée rare, malgré que tous les gens l'expriment oralement. Il y a autre chose qui veut dire et qui donne tout le sens à la reconnaissance. Et c'est là le secret. Si vous savez, c'est une puissance extraordinaire. La reconnaissance, ya ikhwani, ash-shukr, c'est un pouvoir vraiment extraordinaire qui peut bouleverser la vie d'un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna Allah la yarda 'anil 'abd ya'kulu al-akla al-aklata fa yashkuruhu 'alayha. Allah Azza wa Jal, il agrée un serviteur, son serviteur, uniquement quand il mange quelque chose, il est dans la reconnaissance, et quand il boit, il est dans la reconnaissance. Avant de passer à la deuxième partie de cette conférence, je vais vous dire que c'est l'arme fatale de Shaitan, de te priver de la reconnaissance. Et c'est la première déclaration de guerre. C'est quoi le dalil? Qala fa bima aghwaytani. Al-Shaytan, il dit, Allah Azza wa Jal, à cause que tu m'as égaré, la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Je vais être, ils vont me trouver dans leur chemin droit. dans le chemin droit, je serai là pour les égarer. ثم لآتينهم من بين أيديهم من بين أيديهم ومن خلفهم devant eux et derrière eux. Shaitan il dit, ils vont me trouver devant et derrière. وعن أيمانهم وعن شمائلهم et à leur droite et à leur gauche. ولا تجد أكثرهم et tu trouveras pas beaucoup d'entre eux, à votre avis, croyants, prieurs, شاكرين. La majorité, ma guerre sur eux, c'est que je vais leur retirer la reconnaissance pour qu'ils vivent malheureux. Est-ce que je vous ai, inshallah, mis assez de clarté sur le danger du manque de la clarté et sur l'importance de la clarté? Vous êtes d'accord avec moi ou non? C'est une guerre fatale de Shaitan de me priver d'être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est ce qui me fait pour... C'est le seul outil pour préserver le ni'ma et pour l'amplifier. L'un, c'est quoi cette reconnaissance qui est demandée? La reconnaissance, ya ikhwani, on a dit ces deux dimensions. Juge l'huwaïj. La yashkuru Allah, même la yashkuru nas. Il ne peut pas être reconnaissant envers Allah, celui qui l'est pas envers les gens. Alors on va commencer. La reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla, comment je peux être reconnaissant? Est-ce que ça suffit de parler, de dire Alhamdulillah? Allah Azza wa Jalla dit I'malu ala Dawuda shukran. Œuvrez aux familles de David. C'est ça la reconnaissance, en reconnaissance. Et c'est là qu'il dit et rare parmi mes serviteurs les reconnaissants. Donc il ne suffit pas les paroles, il faut des actes. Allah Azza wa Jalla m'a donné des bienfaits, ni'am. Il faut que ces ni'am, ce qu'il m'a donné, je l'utilise pour me rapprocher de lui. Si j'utilise ce qu'il m'a donné pour lui déclarer la guerre, je suis dans l'ingratitude. Exactement comme les humains. Quelqu'un, tu lui donnes quelque chose, il l'utilise pour t'abattre. Il dit déjà le poète arabe, il dit « Allamtuhu nazm al-qawafi » فلما قال شعرا هجان وعلمته فن الرماية فلما اشتد ساعده رمان. Il parle des gens ingrats. Il dit, je lui ai appris la manière et la technique pour écrire une poésie, et sa première poésie c'était pour m'insulter qu'il a réussi, et je lui ai appris à faire le tir à l'arc. Et la première flèche, il a tiré vers moi. Ça, c'est l'ingratitude. Donc, la reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla passe à travers les actes. Deuxièmement, et ça, c'est ce qu'on néglige beaucoup, ya ikhwani, c'est à travers l'expression. Wa amma bi ni'mati rabbika. T'adid. Allah Azza wa Jalla te dit, parle des bienfaits d'Allah sur toi. Parle, dis-le. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Ce hadith, on le comprend des fois pas assez bien. On veut comprendre par ce hadith que si tu as donné de l'argent, tu dois acheter une belle voiture. Non, Allah, le mot par mot, Allah, il aime bien voir l'impact de ce qu'il te donne sur toi, l'impact de ses bienfaits. Allah, il m'a donné plus que l'argent. Il m'a donné la santé, il m'a donné les yeux, il m'a donné... Il veut voir l'impact de ça. Que je lui exprime combien ça me fait, ça me touche énormément. Ya Rabbi lakal hamd, tu m'as donné des yeux, beaucoup de gens qui regardaient pas, tu m'as donné la santé. Comme on dit, la santé, c'est une couronne sur la tête des qui? Des malades, des infirmes. Mais seuls les malades qui la voient. Non, c'est une couronne sur la tête des gens sains et saufs, mais seuls les malades qui voient cette couronne. Donc j'exprime cette reconnaissance envers Allah, parce que la reconnaissance, c'est trois choses. La première chose, c'est connaître. Je dois connaître au fond de moi, c'est quoi l'impact de ce que tu m'as donné, ou ce qu'Allah Azza wa Jalla, il m'a donné. Et reconnaître le bienfait de ça. Puis la troisième fois, c'est d'exprimer, de le parler, de le dire. Alors les premières personnes parmi les humains, إذا فهمت بأن ما يمكن نشكر الله إلا حتى نشكر الناس. Si je comprends que je ne peux pas être reconnaissant envers Allah si je ne suis pas envers les gens, à votre avis, c'est quoi les premières personnes qu'on doit être reconnaissant envers eux? سؤال. شكون أول الناس اللي خصنا نكونوا شاكرين لهم؟ مين نشكرهم؟ بارك الله فيكم. لي بار. يقول الله عز وجل في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc la reconnaissance, la première, c'est envers les parents. C'est envers les parents. Allah Azza wa Jal, il dit, sois reconnaissant envers moi dans Surat Luqman et à tes parents. Reconnaissant envers tes parents. Et à moi qui sera le retour. Alors qu'on parle des parents, Yahwani, ça nécessite des conférences, pas une seule conférence. Et qu'on parle des parents juste, on a envie de pleurer. Parce qu'on sent que dans notre... Ce moment où on vit, parmi notre point faible, c'est le traitement des parents. Alors je vais pas, c'est pas le sujet de la conférence, mais je me permets de dire quelques versets du Coran. Dans beaucoup de versets où Allah Azza wa Jalla parle de le sujet le plus important dans cette vie, qui est Tawhid, il parle juste après de cette reconnaissance envers les parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وبالوالدين إحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقضى ربك votre Seigneur il a décrété de n'adorer que lui et de bien traiter les parents. Puis il te dit إما يبلغن عندك إما, écoute bien, ouvre ton cœur, parce que les oreilles ont entendu des années, ils n'ont pas compris grand chose. Imma yablughanna 'indaka, quand tes parents ils seront vieux chez toi. Je dois pas être content que j'envoie de l'argent à mes parents alors qu'ils sont au Maroc, au Mali, au Sénégal ou je sais pas où. C'est doit pas être une satisfaction pour moi. Je souffre de ça parce que leur place elle doit être chez moi, parce que quand j'étais petit, j'étais chez eux. Ils me donnaient pas de l'argent et j'étais chez eux. Et là, il faut que je, leur place normale chez moi. عندك الكبار. فلا تقول لهما اوف. Ne leur dis pas cette parole. اوف. Regardez. ولا تنهرهما. Ne les agresse pas verbalement. Ne hausse pas la voix sur tes parents. Regardez, le Coran ne parle pas de celui qui insulte ses parents, celui qui frappe ses parents, parce que, a'udhu billah, ça peut pas être des musulmans. Et on dit ça avec beaucoup d'amertume dans le cœur de beaucoup de nos frères qui pensent qu'ils sont dans les mosquées. Ils pensent qu'ils suivent le minhaj du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu les vois avec leurs parents, a'udhu billah. A'udhu billah. C'est juste catastrophique. Ils peuvent insulter leurs parents, ils peuvent les traiter d'ignorants, les traiter. Moi, je vous parle, je vois un jeune avec sa barbe, mashallah, que j'aime beaucoup à la mosquée. Mais quand il m'a parlé de ses parents, je l'ai arrêté au bout de, je dis, tais-toi et crains Dieu. C'est pas comme ça qu'on parle de ses parents. On parle pas de Allah, regardez comment on parle. De ses paroles, c'est le Coran qui nous le dit. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ceux qui connaissent l'arabe, cette construction, c'est Nakira. Nakira ici, il veut dire la continuité. À chaque fois, quand tu t'adresses à tes parents, tu leur dis قَوْلْ كَرِيم. Qu'est-ce que ça veut dire قَوْلْ كَرِيم? Des paroles généreuses. Tu choisis tes mots. La forme, elle est très importante. Oh, la jeunesse musulmane. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je dis la vérité. Non, ça suffit pas que de dire la vérité. Il faut savoir comment tu dis cette vérité. Et en plus, c'est ta vérité. C'est pas la vérité. C'est pour cela, écoutez Allah, je dis, wa qul lahuma qawlan karima, wa khfid lahuma janah adh-dhulli min rahmatillah. Allahu akbar. Ce verset, il est en train de te mettre devant toi une scène. Cette scène, pense au mois d'août, 40 degrés à l'ombre, et tu vois un oiseau baisse ses ailes sur les oisillons pour les protéger de la chaleur. Lui, il subit l'ardeur de la chaleur, mais ces oisillons qui n'ont pas d'aile, ils sont protégés. Comme ça, tu dois faire avec tes parents. Wakhfid lahuma janah ad-dhul, baisse sur eux, protège-les avec ces ailes de l'humiliation. Sois humilié, sois rabaissé devant tes parents. Reçois les coups dans ton travail, de ta femme peut-être, de tout le monde, mais tes parents, ils doivent rien entendre de tout ce qui peut les déplaire. Est-ce qu'on est comme ça avec nos parents? Eh bien, notre malheur est l'un des secrets du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Si on veut corriger, épanouir notre vie, comprendre notre religion, le début, il est là. On se trompe, on se leurre, si on va chercher ailleurs. Le début, il est là. C'est comment tu traites tes parents. Ne pense pas à faire autre chose. Commence par le commencement. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Toujours dans cette nakira qui veut dire la continuité tout le temps, fait beaucoup de dua qui sont vivants ou morts. Ya Allah, irhamhuma, donne-leur ta miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. On va fermer cette parenthèse. Donc la reconnaissance, la première envers les parents. Nos parents, ils ont besoin qu'on leur exprime. Et nous, on n'a pas, ya Ikhwani, cette culture de parler, de dire à ta mère, je t'aime, de dire à ton père, je peux pas, ya mon père, ya ma mère, je peux pas trouver les mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Mon père, ma mère, je suis impuissant pour exprimer mon amour. Tout ce que j'ai maintenant, c'est de vous après Allah Azza wa Jal. Ils ont envie de les entendre, ils n'ont pas envie que de ton argent. Donc l'expression, le parler, on ne l'a pas. Un jour, un homme, il a posé cette question à Rasulullah. Ya Rasulullah, man, sma'am zi al-hadith, man أحق الناس بحسن صحابتي. يا رسول الله, qui parmi tous les humains qui mérite plus ma compagnie? Sahba, sahbek, c'est ton ami, mon amitié, ça veut dire que je lui donne plus de temps, que lui, je lui raconte mes secrets. Il lui a dit ta mère, أمك. وبعد أمي, en deuxième lieu, il a dit أمك. S'il te reste plus de temps, plus d'affection, tu lui donnes à ta mère. Et après, ya Rasulallah, il a dit Ummuk. Troisième fois Ummuk. Et après, ya Rasulallah, il a dit Abouk, ton père. Éduquons nos enfants à ça. Il y a des musulmans qui ne comprennent pas. Ils disent, oui, mes enfants, je veux qu'ils m'aiment plus. C'est Allah qui a décidé, ton fils, il lui dit ta mère trois fois. Puis après moi, ton père. Parce que c'est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il y a des ikhwani, les mamans et les papas sont les secrets du bonheur et la cause des malheurs de chaque être humain sur cette terre. Alors s'ils sont morts, c'est fini? Non. Tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, c'est jamais trop tard. Mais c'est jamais trop tôt pour commencer. Il faut faire vite. Un homme, il a dit à Rasulallah, après le décès de mes parents, est-ce qu'il reste quelque chose pour leur obéissance? Il a dit oui. Il a dit, c'est dua, tu leur fais des dua, tu fais sadaqa sur eux, et tu visites et tu animes des bons liens avec leurs amis et leurs familles. Et un jour, le messager d'Allah, il était en route, puis après il se lève, il va voir une femme, une vieille dame. Il lui dit, ya Rasulallah, c'est qui cette vieille dame qui prend ton temps alors que tu es avec des hommes? Vous savez pas c'est qui? Innaha Hala bint Khuwaylid. C'est Hala, la sœur de Khadija. Elle est morte. Mais l'amour et l'affection envers Khadija, il a fait qu'il garde le lien avec sa sœur, la famille de Khadija. Un jour, Omar radiallahu anhu, il rencontre un homme dans le chemin. Et Sidna Omar, il échange quelques mots. Non, Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, quelques mots, puis après Sidna Ibn Omar, il retire sa amama, il lui donne sa monture, etc. Et celui qui est le compagnon de Ibn Omar lui dit, oh Ibn Omar, c'est des bidouins, tu aurais pu lui donner 1 euro, 2 euros, il sera très content. Il a dit non, tu sais pas c'est qui? Son père, il était l'ami de Omar. Son père, il était l'ami de mon père. C'est pour cela, il mérite tout ça. Donc, ikhwani, la première chose, reconnaissance envers qui? Les parents. Rentrons maintenant chez nous à la maison. Les conflits conjugaux entre le mari et la femme. C'est quoi la baguette magique pour les, au moins, je dis bi'idhnillah, dans cet endroit, de les diminuer de 90%. Au moins. Parce que cette femme, que toute la journée, il préserve ma chasteté, il éduque mes enfants, il me prépare à manger, et quand je rentre le soir, directement à la télé, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? C'est ça la parole qui mérite de moi? Eh bien, cette femme, il a qu'à le lendemain, ne rien faire, et tu verras l'état de la maison. Quand tu viens, tu vois le désordre, et les enfants, et ton manger, il est où? Tu sauras ce qu'il fait cette femme. Donc cette femme, elle a le droit d'entendre l'expression de la reconnaissance, que je connais ce qu'elle m'apporte, ma femme, et que je le reconnais, que s'il n'y a pas tout ça, ce bien, ma vie sera très très dure. Et de l'exprimer, ma chérie, je peux pas te remercier tout ce que tu fais. Alhamdulillah, tu es une femme croyante, parmi les plus rares, tu portes ton hijab, tu dis que tes enfants, tu fais, tout ce, il a envie de l'entendre. Et s'il l'entend, il va me le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois de bon cœur. C'est un secret, c'est une clé, essayez-la. T'as beaucoup de clés, t'as une porte, et en plus, ça vient de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'admets qu'on n'a pas cette culture. Parce qu'on est éloigné de l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et cette femme, quand le mari, toute la journée, il est au travail, pour te ramener l'argent halal, eh bien, il mérite d'entendre aussi ces paroles de reconnaissance, de l'entendre. Pas non, il sait que je suis content. Non, ça suffit pas. On a besoin d'entendre, ya ikhwani. Mon mari, barakallahu fik, toute cette galère, tout ce que tu subis dans ton travail, etc., pour nous ramener de rizq halal. Tu peux pas savoir comment je suis contente. Ça aussi, c'est une baguette magique qui peut, alhamdulillah, éténuer la plupart des problèmes dont les couples ils viennent de là. 90%. Mais nous, parce qu'on a une culture, une mauvaise culture, loin de l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on jette nos problèmes sur les autres. Les autres, ils nous aiment pas. Les koufars, ils nous aiment pas. Ils nous font des problèmes. Et qu'on finit avec les humains, les genouns. C'est ma femme, il a jeûne, c'est pour ça, dès que je rentre, il me regarde. Et ou bien c'est moi, ou bien c'est Sahel. Oh, c'est ma belle-mère qui m'a fait quelque chose, c'est la belle-sœur. Puis après, on va chercher Ruhia. Il va me lire quelque chose, il me dit oui. Effectivement, tu dois voir une belle-sœur. Et cette belle-sœur, il vous a fait manger quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De casser la famille. C'est ça, c'est comme ça qu'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis sur quelqu'un, tu lui dis, t'as 70 jeunes, un chinois, l'autre, Tchakullah, craignez Allah Azza wa Jalla. C'était pas ça. Le problème, il vient de là. Qu'on ne sait pas exprimer notre reconnaissance. Et Allah Azza wa Jalla dit qu'ils sont rares, les reconnaissants. L'éducation des enfants. Qu'est-ce que je suis en train de faire, même? Je suis juste en train de vous lire les titres. Parce que chaque point nécessite une conférence entière. Ça nous a fatigué, nos enfants. Ils écoutent pas, ces enfants. C'est incroyable, ces jeunes d'aujourd'hui, comment ils sont pénibles. Eh ben, c'est juste une façon de voir les choses. Ils sont pas pénibles, nos enfants. Ils sont pas plus pénibles que nous étions, nous, avec nos parents. Parce que ces enfants, ils vivent avec nous qu'avec les reproches et les menaces. Ils n'entendent pas de paroles gentilles de notre part. Les reconnaissances, ils n'entendent pas. Ils sont dans un système scolaire à l'école. Et aussi, il n'y a que ça. Quand tu vois quelqu'un, un enfant, il réussit beaucoup de choses belles, eh ben, on va axer sur ce qui ça n'a pas marché. Mais on va pas gratifier, encourager ce que ça a marché. Alors, je vais vous raconter comment il agissait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le professeur Wassim fait la prière. سمحوا لي بالعربية ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كيصلي بالناس دخل رجل لقى النبي صلى الله عليه وسلم راكع هو ركع في الباب وبدا يتمشى هو راكع حتى وصل للصف النبي صلى الله عليه وسلم منين كمل خبروه سيدنا جبريل وقف وقال شكون اللي ركع في الباب وجا جاي كيتمشى هذا الصحابي زيدو قال انا عرفتوا علاش قال انا هكذا لان عارف انه في مع النبي صلى الله عليه وسلم ابدا واش يقول له شي كلمه تجرحه واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا هذه اصول التربيه الا بغينا نربي وليداتنا زادك الله حرصا النبي صلى الله عليه وسلم شاف داك الحاجه اللي عملها مزيان انت حرصت على ركعه فزادك الله حرصا وبعد غادي يعلمه قال له ولا تعود ما تعاودش لان هذا دين خصو يفهم دونك ان جور البروفيسور صلى الله عليه وسلم يبريي اي ان نوم كون البروفيسور صلى الله عليه وسلم ايتي دون لانكلينيزون دون ركوع ان نوم اي رونتري اي كون الى في البروفيسور صلى الله عليه وسلم دون لانكلينيزون ديفون لا بورت اي لا في ركوع اي كومونسي ا مارشي جوسكا سكي سي مي دون لا رانجي كيسكو فو بونسي لا ريزون نو alors le messager d'Allah il a été informé par سيدنا جبريل et à la fin il s'est levé, le professeur Osmi a dit, c'est qui a fait le recours devant la porte, il est venu en marchant. Et ce compagnon a levé la main, il a dit moi, avant de finir le hadith, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi il s'est dénoncé vite ce compagnon? Et pourquoi toi, chez toi, à la maison, t'as deux enfants, et le pot de yaourt, il manque, le seul pot de yaourt que t'avais dans le frigidaire, et tu dis à tes enfants, qui l'a mangé? Wallah, c'est pas moi. Et le deuxième, Wallah, c'est pas moi. Et tu deviens fou. Comment c'est genoux qui les ont mangés? Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, il est en pleine confiance avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'il va pas l'attaquer avec les reproches et les menaces. Et nos enfants, juste, ils ont peur des reproches et des menaces. Comment il a réagi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Zadakallahu hirsan. Qu'Allah, il amplifie ton soin et ta motivation pour faire la prière et pour, donc il a vu la moitié plein de verre et il a gratifié ça. Puis après il va corriger parce que c'est une prière, il faut qu'il comprenne que ça se fait pas. Il lui a dit, voilà, tiens, ne le refais pas. Et nous, Ikhwani, ces outils d'éducation pour nos enfants, eh bien, ils nous manquent. Nos enfants, toujours, on voit ce qu'ils font pas de bien. Mais ce qu'ils font de bien, alors ils ont envie d'entendre cette reconnaissance de ce qu'ils font de bien. Alors maintenant, écoutez bien. Il y a un dua que vous le connaissez, je suis sûr, mais on va essayer de le décortiquer. Ce dua, il est raconté par le hadith, il est rapporté par Sayyidina Mu'adh. Mu'adh, radiyallahu anhu, il dit, j'ai prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand j'ai fini la prière, le messager, on va faire une petite scène. Je vais vous raconter le hadith, parce que des fois qu'on raconte les hadiths, on oublie qu'il y a des gestuels dans le hadith. Mu'adh, il dit après la prière, le messager d'Allah, il m'a pris par la main. Il m'a regardé, il a souri. Imagine-toi la place de Mu'adh, et ta main dans la main de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, ya Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. Allahu Akbar. C'est quoi ça? Ça, c'est la construction du lien. C'est ce qu'on saute toujours avec nos enfants dans l'éducation. Et après, il lui a dit, Osika ya Mu'adh, prends ce conseil, ya Mu'adh, la tada' dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. N'oublie jamais à la fin de chaque prière de dire, ya Allah, aide-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Pour t'évoquer. et pour être reconnaissant envers toi. Donc la reconnaissance demande de moi, c'est quelque chose de très grave qu'on vient de voir. Je dois toujours prier, supplier Allah pour qu'il me la donne. Ya Allah, aide-moi, trois choses. À t'évoquer. À être reconnaissant envers toi et à t'adorer correctement. Allahumma a'inni, répétez après moi. Ah, plus fort, vous n'avez pas à manger, là. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Donc après chaque prière, vous dites ce dua à la fin de chaque prière et vous pensez que vous êtes en train de demander à Allah que vous compreniez ce secret qui est la reconnaissance. Allahumma a'inni ala dhikrika. Mais j'ouvre une parenthèse, ikhwan. Cette démarche dans les hadiths, il n'est pas anodine. C'est ça, manhaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, l'enseignement. C'est pas quand tu vois quelqu'un, il fait quelque chose que pour toi, il n'est pas correct, tu lèves la carte jaune, carte rouge, etc. T'es pas un arbitre, t'es pas un juge. Si tu veux, ce hadith, il est en train de te dire un enseignement très important. Si tu veux conseiller les gens, tu dois les aimer. Si tu n'aimes pas les gens, laisse-le tranquille et ferme ta bouche. Il y a des frères qui disent, oui, mais regarde ce qu'il fait, il fait le bid'a. La grande bid'a, c'est ce que tu fais toi. C'est que tu juges les gens, tu les agresses. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut aimer les gens. Puis après, faire une stratégie pour que les gens t'aiment. Quand toi tu aimes et les gens t'aiment, là le message peut passer. Vous avez compris ou non? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qu'on le comprend à l'envers. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Il y a beaucoup qui sortent ce hadith, mais celui qui voit un munkar. Donc je vois un mal évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu dois, je suis invité à le changer avec ma main. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis invité? Je dois engager un processus de changement avec les outils de changement. C'est pas je vais agresser les gens. Imaginons, je sors de la mosquée, je trouve un jeune qui prie avec nous. Quand il sort, il commence à fumer ou boire une bière. Je vois, c'est un mal. Et je vais lui dire, tu sais ce que tu fais, c'est haram, et tu es un pervers, etc. Imaginons ce jeune, il me dit, ben cette religion qui me complique la vie, je la reconnais plus. Avant mon intervention, il était quoi ce jeune? Est-ce qu'il était kafir? Il était musulman, désobéissant. Après mon intervention, il est devenu quoi? Kafir. Est-ce que j'ai changé le mal ou j'ai amplifié le mal? Eh bien, la plupart de nos frères aujourd'hui, ils amplifient le mal. En pensant bien faire, parce qu'ils sautent ces stratégies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Ça veut dire, ça c'est un mal, je dois engager un processus de changement, une fois que j'ai agi, le mal il part, et il vient le bien. Si je ne peux pas avec ma main, je dois le faire avec l'exhortation, avec les belles paroles. Si je ne peux pas, avec mon cœur. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc je vais à la maison, ya ikhwani, le conseil, essayez cet outil magique. Avec les enfants, sortez des reproches et des menaces avec les enfants. Et apprenez l'encouragement et la reconnaissance et la gratification. Quand il fait quelque chose, quand il te ramène, papa, j'ai que 5 sur 20, tu regardes les 5, regarde combien de choses t'as réussi, mon fils. Parce que Mskin, il est torturé, il est fracassé à l'école, qu'il est nul parce qu'il a que 5. Retourne la chose. T'as réussi ça, mais non. Ça, ce que t'as raté, on va le retravailler, Inch'Allah. La prochaine fois, tu seras meilleur. C'est clair ou pas? Si nos enfants, ils sont en confiance avec nous, quand tu lui dis qui a cassé le verre, elle va te dire, c'est moi. Mais s'il s'attend, s'il est en pleine confiance, comme cet homme, il était en confiance avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Venons dans nos mosquées maintenant. Imaginons qu'on est dans la reconnaissance dans nos mosquées. Je viens dans cette belle mosquée, moquette est propre, la lumière, les toilettes, même les toilettes, ils sont parfumées. Imagine, moi je demande, c'est qui le responsable? Et je vais chez ces responsables, je leur dis, je suis très content de ce que vous faites. Barakallahu fikoum. Je vous fais dua sincèrement. C'est une reconnaissance ou non? Est-ce qu'il mérite ou non? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous, on réfléchit comment faire dans une mosquée, comment faire un coup d'état. On a rentré la politique dans nos mosquées. Comment changer l'autre, comment changer... Mêle-toi tes affaires, je rentre dans une mosquée et je trouve tout bien, mashallah. Je dois juste dire aux gens que je suis content et mettre la main à la poche et de payer, aider dans l'électricité parce que je suis un bénéficiaire de tout ce bien. Ça, c'est une reconnaissance. Ça, c'est une œuvre qui peut aussi atténuer, bi'idhnillah, 90% des problèmes des mosquées en France, voire dans le monde. Parce que les gens, ils entendent de pas ça. Et s'ils entendent, ils vont travailler aussi 100 fois plus qu'ils font maintenant. Je suis en train juste de lire les titres. On peut développer tout ça. Imaginons dans mon entreprise avec mes salariés. Au lieu que toujours ils ont peur de moi, je suis dans la reconnaissance. Quand dans les réunions, je valorise ce qu'ils font. Et je leur montre et je leur dis que je suis très heureux. C'est Allah, je suis content qu'Allah et les amis comme collaborateur avec moi. Ça va changer ton chiffre d'affaires, ton entreprise, il va se multiplier en quelques mois par deux. Parce que les gens, ils vont travailler avec leur cœur. Pas quand tu es là, ils travaillent, quand tu n'es pas là, ils vont dormir derrière leur écran ou je ne sais pas quoi. Combien il nous reste du temps? Parce qu'il y a un deuxième volet qui est sabre. 20 minutes. On va s'arrêter parce que j'ai envie de vous parler de l'autre. Vous avez oublié que l'iman deux choses. L'iman ou nisfa, nisfon shukru ou nisfon sabr. Sabr aussi, il faut qu'on le comprenne, ikhwan. Parce que c'est une denrée rare aussi, sabr. Parce que sabr pour nous, il est synonyme à la passivité. C'est pour cela que dans nos livres, il est traduit comme patience. Un patient, c'est un malade dans un hôpital, la hawla la wa la quwwa. C'est pas ça, sabr. C'est une dimension de sabr. Mais, Allah Azza wa Jal, pour voir l'importance de sabr, Allah Azza wa Jal, il nous a révélé une sourate que vous connaissez tous. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil sabr. Ça aussi, je ne vais pas m'étaler beaucoup parce que j'ai envie de vous entendre. Je vais parler 10 minutes, je vous laisse 10 minutes, Inch'Allah. Cette sourate, les compagnons du messager d'Allah, rarement quand ils se rencontraient, avant de se séparer, sont un, ils lient pour son frère cette sourate. Elle est importante ou non? L'imam Shafi'i, rahmatullah alayh, il dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate, pas le reste du Coran, que cette sourate, il aurait suffi comme argument. Takfi. Allah, il jure par l'asr. L'asr, c'est le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment tu gères ton temps? Il y a muslim. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent, je m'ennuie, il n'y a rien à faire? Si tu dis comme ça, je te dis juste, t'as rien compris ta religion. Ou bien quelqu'un qui dit, la journée de 24 heures ne me suffit pas, je te dis, tu dois prendre quelque chose qui s'appelle la gestion du temps. Et tu dois gérer ton temps, tu vas trouver que tu as, alhamdoulilah, il y a beaucoup de temps. Et l'une des grandes, des outils puissants de la gestion du temps, vous savez c'est quoi? C'est de corriger la relation avec tes parents et ta famille. Man arada, le messager d'Allah, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man arada, أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. Celui qui veut que Allah prolonge sa vie, prolonge son temps. Le temps, il est modulable. Et qu'il bénisse son rizq, qu'il maintienne une bonne relation avec sa famille. Une première des familles, c'est les parents. Donc, al-Asr, Allah Azza wa Jal, il nous dit une vérité. Toute l'humanité est en perdition. Si moi je veux plus être dans cette perdition, dans ce désordre, dans ces problèmes, dans ces maladies psychologiques. Je souffre d'une gêne, serre, l'ain, l'échec dans mon travail. Si je vais sortir de tout ça, je dois être parmi alladhina amanu. La foi, ça suffit pas. Parce qu'il t'a pas dit « ou », il t'a dit « wa ». C'est la conjonction, c'est le « et ». Amanu wa amilu salihat. C'est pas des gens uniquement qui parlent et qui font rien. Qui parlent, qui ont la cohérence entre le dire et le faire. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqq. Toujours avec cet amour et ce conseil de la vérité. Ce conseil pour essayer dans ce chemin droit, mais qui se conseille aussi pour sabr. Donc c'est quoi sabr, ya ikhwani? C'est trois dimensions. La première dimension, strade de sabr, c'est sabr ala ta'atillah. Sabr ici, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab wa as-sabr ala ta'atillah. Que c'est une énergie qui te fait que toujours t'es motivé pour adorer Allah azza wa jalla. Tu fais pas partie des gens wa idha qui je dis Allah azza wa jalla fi as-salat kusala. وَإِذَا قَامُوا بَرَكَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Ils sont paresseux dans la prière. Tu vas trouver une énergie pour ta prière. Tu vas voir du plaisir de faire salat sobh, de te lever à Akhiya Urti. Tu vas voir du plaisir d'être bon et gentil avec les gens, d'être souriant, de semer le bien et le bonheur là où tu vas. Parce que ça, c'est la mission du musulman. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين. On t'a envoyé qu'une miséricorde pour les univers. Wallahi, ikhwani, on est très loin de ce qu'il faut faire. Là, juste hier, j'ai discuté avec un frère dans une mosquée, à des non-musulmans à côté de la mosquée qui veulent vendre parce qu'ils savent que si la mosquée est finie, elle est construite, eh ben, ils sont sûrs et certains, ces gens, que le prix de leur maison, il va diminuer. C'est juste honteux pour nous les musulmans. Normalement, quand on voit un musulman venir, on doit voir la miséricorde, on va voir l'épanouissement, on va voir. Et les gens, ils ont, quand il y a une mosquée chez eux, ils doivent payer pour qu'il y ait une mosquée chez eux. Mais c'est pas le cas. On est des gens, on suit la victimisation, toujours on pleure. L'islamophobie nous fait, nous font, ils nous font. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu plus que ça. Donc sabr ala ta'atillah, c'est une motivation, énergie qui fait que je suis toujours dans l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soumis à Allah azza wa jalla. Deuxième, c'est sabr anil ma'asiyah. Et pour les arabophones, c'est faux de dire sabr ala al ma'asiyah. La yuqal sabr ala al ma'asiyah, walakin anil al ma'asiyah. C'est ces freins, c'est cette résistance pour ne pas se faire avoir par shaitan, pour ne pas désobéir Allah azza wa jalla. Ça aussi, c'est un sabre. Quand tu es invité à faire le péché et tu résistes, et tu dis, Auzubillah, ça ne me convient pas. Et soyez sûr et certain que n'importe quel péché ou shaitan, il t'invite à un péché, ta nature première, comme Allah il t'a créé, tu vas voir que les choses vont se compliquer. Il n'y a personne qui a commencé à fumer la première cigarette et il est devenu fumeur. Première, ça lui a fait mal. Il a senti le péché, puis il a rajouté, il a insisté. Quand tu insistes sur le péché, tu tombes de l'égard d'Allah Azza wa Jal, t'as plus de valeur, vas-y. Mais au début, t'es retenu. Tu vas voir les femmes, c'est haram. Jamais quelqu'un qui va premier coup, c'est... Non, tu vas être retenu. Mais quand tu insistes, vas-y. Vas-y. Tu veux le malheur? Vas-y. C'est pour cela sabr anil ma'asiyah. Et la troisième dimension, c'est sabr ind al bala. C'est sabr, c'est ça la patience. Quand tu es éprouvé, tu innamal mu'minun alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc les croyants sont ceux que quand ils sont atteints d'un malheur, ils disent « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Parce que ce croyant, il a la certitude, tout ce qui t'arrive de choses désagréables, ça t'enlève tes péchés. Parce que le croyant, son grand souci, c'est ses péchés. Comme comment m'en débarrasser? Quand il vient une petite fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, etc. Je vois, c'est juste un cadeau de l'Azogel pour me débarrasser de mes péchés. C'est comme ça, ils étaient les compagnons. Quand tu lui dis comment ça va, il a mal à la tête, qu'est-ce qu'il te dit le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la différence entre eux ou nous. Il va te dire, alhamdoulilah, ma main, il va très bien. Et mes yeux, je vois bien. Et mes oreilles, j'entends bien. Il va parler des bienfaits d'Allah, juste j'ai mal à la tête. Et nous, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, tu vas ce mal de tête, tu vas l'amplifier, toute ta vie devient noire. Yahi, c'est juste un mal à la tête. Je finis, inshallah, cette conférence par vous raconter une histoire. Une histoire, c'est d'un Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, je connais Urwa ibn Zubayr. هو أخ عبد الله بن الزبير أمه هي أسماء بنت أبو بكر وأبوه هو عبد الله هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك الزبير بن العوام il était en voyage entre Mecca et Medina. Avant d'arriver chez lui, on lui annonce que son fils il est mort. Il a eu un accident, il est mort. Puis après, avant d'arriver à chez lui, il est touché par un microbe dans son pied, et les médecins de l'époque, ils disent qu'il faut couper ton pied. Qu'est-ce qu'il dit, Sidna Urwa? Il dit, Allahumma laka alhamd, a'taytani arba' banin. Tu m'as donné 4 enfants. Tu m'as laissé 3 et t'as pris 1. Regarde, il pense à la moitié pleine du verre avant. Tu m'as donné, ya Allah, c'est toi qui m'as donné. Tu m'as laissé 3. Laka alhamd, lima tarakt wa laka alhamd lima afat. Je suis reconnaissant envers toi de ce que tu as laissé, de ce que tu as pris. Allahumma lakal hamd, tu m'as donné 4 membres. Tu m'as laissé 3, tu as pris 1. Je suis reconnaissant envers toi de ce que tu as laissé et de ce que tu as pris. Cette vision, ya ikhwan, ya akhawati, peut changer notre vie. Pensons toujours de ce que Allah il m'a donné. Un jour, un homme, il est parti chez un savant, j'ai oublié le nom, mais l'histoire elle est trop belle, je vais clôturer avec. Il commence à pleurer, j'ai rien, Allah il m'a rien donné, je suis pauvre. Il me dit, c'est bon, arrête de pleurer. On va faire un contrat, moi et toi. C'est quoi ce contrat? Il m'a dit, tu vas me donner un œil, et je te donne 10 000 euros, tout de suite. Un œil, 2 000 euros, 2 œils, 20 000 euros. Un oreille, je le coupe, je te donne 100 000 euros. La langue, 1 million d'euros. Et l'autre à chaque fois il dit non, je peux pas te donner. Il dit malheur à toi, tu portes des milliards en toi et tu te plains, tu dis que t'as rien. نسأل الله عز وجل جعلنا من الشاكرين بأنعمه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الصابرين على طاعتك ومن الصابرين عن المعاصي ومن الصابرين عند البلاء آمين والحمد لله رب العالمين juste pour donner un petit moment si vous reste لكن شي وقت اللي حاب يتدخل تدخل ولا يسأل سؤال في الموضوع مرحبا celui qui veut poser une question dans le sujet ou nous donner inshallah autre chose inshallah شحال مازلنا المغرب الحمد لله 10 العشاء 10 دقائق والا نسولكم ان شاء الله إذا ما عندكم شي سؤال s'il y a pas de question moi je pose des questions. Alors je pose une question, quand tu dis jazakallahu khair à ton frère, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a ikhwani, faites attention, nous sommes la communauté du mot par excellence. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas attention à ces mots qui sortent de notre bouche. Même si le messager d'Allah, il te dit, un mot peut t'élever beaucoup de degrés auprès d'Allah et un mot peut t'enfoncer 70 kharifs dans l'enfer. On est la communauté du mot. Et le problème de nous, des musulmans aujourd'hui, qu'on a joué avec les mots, on a joué avec les terminologies musulmanes, ce qui est de plus sain, de plus noble, aujourd'hui, on l'entend mal. Le mot de djihad, il n'y a pas plus beau que le djihad. Il est devenu synonyme à la violence. Islamisme, le mot de islam, salam, la paix, ça veut dire quelqu'un qui est borné, qui est... Le mot de l'hijra, Allahu Akbar, que le messager d'Allah il te dit, l'hijra, c'est que tu abandonnes le péché. On nous a dit non, il faut quitter la France parce que c'est la terre des koufars. On a joué avec les termes. Je trouve un jeune hier, il a commencé à faire la prière. Aujourd'hui, non, il faut faire l'hijra, mon frère. C'est quoi cette hijra? Tu sais ce que tu es en train de dire? Eh bien, jazakallahu khair, qu'est-ce que cela veut dire? Le messager d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا عدنا جوج الأحاديث جوج الروايات فادعوا له حتى ترون أنكم كافأتم والثاني فإن لم تجدوا فقولوا له جزاك الله خيرا. Donc le messager d'Allah il dit quand ton frère il te fait un bien, t'es en tant que croyant, t'attends tout ton bien d'Allah Azza wa Jal. T'attends pas des gens. Mais quand un bien qui vient de billets d'un autre, tu dois être reconnaissant. Tu dois le rétribuer. Il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois le payer. Et si t'as rien pour le payer, il te dit dans une version du hadith, tu lui fais des doigts jusqu'à ce que tu penses que tu l'as payé. Et dans l'autre, tu lui dis, Jazakallahu khair. C'est ma question. Qu'est-ce que ça veut dire, tu lui dis, Jazakallahu khair? Ça veut dire, ya Ikhwani, tu es en train de lui dire tout ce que tu m'as fait de bien. Je peux pas te payer. Donc, ta rétribution, je la confie à Allah. Allah te rétribue bien. Allah te paye bien parce que moi, je peux te rien dire. C'est Jazak. Je vois le Jazak. C'est la rétribution. Allah dit bien. Donc, je confie cette mission à Allah parce que je suis pas capable. Maintenant, quand vous allez le dire à vos frères, à vos soeurs, vous savez le sens ou bien non? Jazakallahu khair. Ou la Jazakallahu khair, des fois on enlève même le jim. C'est pas le sens de ce qu'on dit. Et dans la reconnaissance, c'est très important. Connaître et reconnaître, parler et rétribuer. Et rétribuer, ne serait-ce qu'avec des doigts et des doigts et des doigts. Parce que parmi ta foi en Allah Azza wa Jal, c'est que tu attends rien de personne. Tu attends tout de Allah Azza wa Jal. Et quand ça vient, eh bien, tu vois que cette personne, je dois lui donner son droit. Kenchi Souan, inshallah, il y a une question? Marhaba. Ah, smah li azidu qbal la shabba. Wa alaikum salam, ahlan wa sahlan. Il y a une femme, c'est le bien savoir, elle a fait un sein. Ah. Donc, du coup, elle avait peur de nous avoir une fétiche pour faire le ramadan. Ah. Et du coup, elle a pas fait le ramadan quand elle a essayé d'avoir son fétiche. Ah. Et du coup, elle m'a pas fait le ramadan à prier. Mais là, c'est vrai que c'est pas pour le ramadan. D'accord, j'ai compris mon frère. Barakallahu fik. Cette question, je peux répondre que dans ma mosquée. Là, quand je dis qu'il y a une question du sujet. Mais là, on est dans une mosquée où il y a un imam, où il y a une structure, ils vous répondront, Inch'Allah. Et ça, c'est très bien d'apprendre cette hygiène, de répondre aux questions. Parce que, aussi parmi les choses qui nous perturbent, ça aussi, ça nécessite une conférence, de parler de ces réponses faciles aux questions, assez faites soit sur Internet, assez faites soit par, dans les plateaux de télévisés. Moi, juste, je réponds pas à cette question parce que c'est pas le sujet, mais tu me donnes la permission de dire aux musulmans, à mes frères et mes sœurs devant moi, faites attention, l'un de nos malheurs, il vient aussi de ça. Juste, je comprends pas quelqu'un qui est, je sais pas, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, et qu'on lui appelle de partout dans le monde, il a une réponse à tout. Parce que la fatwa, c'est la question, c'est la connaissance du texte et du contexte. Qu'est-ce que tu sais de quelqu'un qui vient en France pour lui dire oui, tu dois divorcer ta femme, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est juste ça n'a rien à voir. Donc revenons à l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir que juste quelque chose tellement qu'il est réputé qu'on pense que c'est la règle. C'est pas la règle. La règle que l'imam Malik rahmatullah alayh, on est parti une délégation des Maghrébins. Donc Maroc, Algérie, Tunisie, ils sont partis à pied jusqu'à la Médine et on lui a ramené dans une version 40 questions. Et il les a lues, puis après, il a répondu à 4 et 36, il a dit « je sais pas ». Subhanallah. De Maghreb, on nous dit le meilleur savant, c'est l'imam Malik qui ne sait pas par téléphone, par internet. Ils se sont déplacés. Et il leur a dit « vous revenez, vous leur dites que l'imam Malik ne sait pas grand-chose ». Imam Malik, dites-leur. S'il faut leur dire que je ne sais pas grand-chose, mais je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Et surtout, je respecte dans n'importe quelle mosquée, je trouve que c'est une erreur qu'un conférencier, il répond aux questions en ce qui concerne le fiqh. Parce que chaque mosquée, il faut respecter ses imams. Et, na'am, akhi, marhaba. دونك كبروا هنا ومشاو واحد الدوله مشاو لسوريا هذيك فرنسا لانه ما في سوريا راه الدوله هذيك فرنسا راه البلاد ديال الكفر دونك مليح مليح ان شاء الله نجاوبوا على فرنسا لان اللي كتهم اكثر منكم نتوما دونك لو فرير يل بوز لا كيسيون سي الهجره سي دي جون كي اون غراندي ايسي اي كي ديس سو ديسكور دو On est dans la terre du coffre, il faut faire l'hijra, il faut partir. Moi, je connais des imams que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont ce discours, ils ont des belles villas ici, et tout le temps, ils disent aux jeunes, faites l'hijra, partez. Et je dis, pourquoi tu pars pas toi le premier? Tout simplement parce que on mélange tout, Yahouane. On ramène des fatwas qui étaient, ça fait 10 siècles, 15 siècles, où il y avait, fais-moi, je vais, ça c'est un sujet mzian. Il y avait la terre de l'islam et la terre de l'kofre. Les sociétés étaient simples comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui choisit de partir de chez les musulmans, chez les kofars, c'est une haute trahison. C'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Elle est soupçonnée de faire la haute trahison, d'être un espion. Donc, le tahrim de l'hijra, il était basé sur ça. Mais non, il n'y a pas cette distinction. Tu ne peux pas dire qu'il y a la terre de l'Kofre et la terre de l'Islam. Tu ne peux pas dire la France avec je ne sais pas combien de milliers de mosquées, c'est une terre de l'Kofre. Tu ne peux pas dire mon pays natal, le Maroc, que je ne peux pas sortir après 22h, 23h dans des endroits avec ma femme et mes enfants sans être agressé. Tu ne peux pas dire que c'est une terre de l'Islam. Et en France, je peux sortir avec mes enfants, avec ma femme à 2h du matin, tranquille, je me balade, à côté d'une plage et je rentre en sécurité. Donc, enlevez ça. Qu'est-ce qu'il te répond, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, « Al-muslimo, man salima al-nasu min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara manaha allahu anhu. » Donc, en résumé, parce que ça aussi, c'est une conférence. En résumé, l'hijra, le fond de l'hijra, c'est l'abandon du péché. Mais cet abandon de péché, je dois me conformer aux enseignements d'Allah Azza wa Jalla et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet abandon de péché, des fois je suis incapable. Donc ça m'oblige à faire l'hijra, ça veut dire l'abandon des personnes. Donc le fond, c'est abandonner l'acte. J'ai des amis. Je vous donne un exemple. Je suis fumeur. Et je sais que c'est haram. Qu'on ne vous dise pas que c'est makruh, etc. C'est haram. Il y a des savants qui disent que c'est plus haram que le vin. Parce que le vin, Allah Azza wa Jalla, il dit, fi ithmun kabir wa manafi'un nas. Mais les cigarettes, tous chalent. Tibou ma'ayam ziyad. Donc, je sais que c'est haram. Mais tout le temps, je fréquente des gens, c'est des fumeurs. Quand je suis avec eux, malgré ma bonne volonté de faire tawba, je rechute avec eux. Donc, la notion de l'hijra m'oblige à abandonner ses amis et de ne pas les fréquenter jusqu'à ce que je me soigne. Ça ne veut pas dire qu'ils deviendront mes ennemis. Je leur dis, s'il te plaît, on va se séparer jusqu'à ce que je me soigne. Parce que quand je suis avec vous, moi, j'ai entendu une conférence qui m'a fait peur sur les dangers de la langue et de l'riba innamima. Mais mon frère, je t'aime et à chaque fois que je suis avec toi, on parle des gens. Eh bien, je décide pour un mois, deux mois de te faire l'hijra. Et tu me fais l'hijra jusqu'à ce qu'on se soigne. Est-ce que vous comprenez? Il y a troisième chose, c'est l'hijra du lieu. Et c'est là qu'il est mal comprise. Ça veut dire, j'ai fait grandir mes enfants dans un quartier, par exemple, à 90%, ça sort des délinquants et des drogués. Ma religion m'impose de quitter ce quartier pour faire une hijra, pour aller peut-être 10 kilomètres, 20 kilomètres, pour mieux éduquer mes enfants. Ça n'a rien à voir ni avec la France, ni avec de partir de la France, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui qu'Allah lui veut de bien lui fait comprendre la religion. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلي وسلم وبارك على سيد الشاكرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.